Chapitre 24e. La nouvelle du prochain départ pour le midi de Sir Everard et de Dulcy causa à Morton une véritable stupeur. Il exprima l'intention formelle de les accompagner, mais Sir Everard s'y opposa. « Non, pour rien au monde, mon cher Morton, je ne consentirai à accepter votre proposition. Votre avenir ne peut être entravé par ma mauvaise santé. Les élections devant se faire au commencement de février, il faut préparer votre candidature. La lutte sera vive. Vous n'avez pas de temps à perdre. Notre séjour à Alger sera d'un mois environ, et si tout va bien, comme je l'espère, nous reviendrons avec les hirondelles. Au demeurant, c'est une absence de 3 mois, pas davantage. » « Pour moi, ces 3 mois me paraîtront 3 siècles, » répliqua Morton en attachant sur Dulcy un regard plein de tristesse. « Vous avez bien vécu longtemps sans avoir eu le bonheur de la connaître, » riposta le baronnet d'un ton un peu sceptique. « C'est vrai. Mais du moment que je la connais, que je l'aime et que j'ai gagné son cœur, je ne saurais vivre loin d'elle. Je suis prêt à abandonner mon projet d'entrer au Parlement, si vous consentez à m'autoriser à vous accompagner. Le voyage sera, pour moi et pour Dulcy, un avant-goût de la lune de miel. Il ne faut jamais anticiper sur l'avenir. Morton, votre ambition politique vous fait honneur, et si vous abandonniez vos espérances avec une pareille légèreté, vous n'auriez pas quitté l'Angleterre depuis 8 jours que vous vous en repentiriez déjà. Mais du moins je serais heureux. Non, Morton, vous ne sauriez l'être après avoir ainsi manqué à votre devoir. Rappelez-vous, mon cher, qu'un homme qui se destine à la politique ne doit pas être, comme on l'a dit, un feu follet, traversant tout et ne posant sur rien. Il importe, avant tout, de ne pas abandonner le but qu'on veut atteindre. Le parti conservateur réclame l'appui de forces vives et ardentes. Que diantre, ne désertez pas d'avance. « Oh non, il n'y a pas à hésiter, » ajouta Dulcy. « L'amour du pays doit primer tous les autres. Nous aurons du courage. Vous verrez, Morton, que je suis capable de tous les dévouements, comme vous l'êtes, de toutes les mâles ambitions. » C'était à croire, en l'entendant adresser ces mots à son fiancé, sur lequel elle fixait des yeux humides, que personne avant lui n'avait eu la pensée magnanime de vouloir rentrer au Parlement. Enfin, il fut décidé, après de longs pourparlers, que Morton accompagnerait les voyageurs jusqu'à Paris, et qu'il emploierait le mois suivant à dresser ses batteries électorales. Les amoureux se séparèrent bien tard ce soir-là. Dulcy tint à accompagner son fiancé jusqu'à la grille. Elle releva sur sa tête le capuchon de sa mante et traversa le parc au bras de Morton. « Que nous prévoyions peu, » dit-il à sa fiancée, le chagrin qui nous menaçait, alors que nous étions si heureux le soir de Noël. « Si heureux, » répéta-t-elle en faisant la moue. « Le bonheur de Lady Frances a dû être plus grand que le mien. »« Seriez-vous jalouse, Dulcy ?» lui demanda Morton d'un air étonné. « Hélas, je ne répondrai pas du contraire. » « C'est une faiblesse indigne de vous, ma chère Dulcy. Non, Dieu merci, Lady Frances ne peut vous porter ombrage. Elle sait qu'il n'y a qu'une femme au monde, que je puisse aimer comme je vous aime. Il n'en existe pas moins entre elle et moi, une amitié fraternelle. De grâce, ne perdons pas notre temps en paroles oiseuses, car les heures s'enfuient avec une désespérante rapidité. Dites-moi, chère Dulcy, si la santé de votre père vous cause réellement des inquiétudes sérieuses ? Je m'apercevais depuis longtemps qu'il était souffrant, nerveux. Il se plaignait d'insomnie prolongée. Souvent, en le voyant attaché sur moi un regard profond et mélancolique, je me disais qu'il devait me dissimuler une souffrance physique ou morale. Maintenant, hélas, je suis fixé. Notre docteur de Londres n'a pas caché à mon père la gravité du mal dont il est atteint. La poitrine et le cœur sont également attaqués. Vous ne pouvez m'en vouloir, n'est-il pas vrai, Morton, de vous sacrifier à mon père en semblable conjoncture ? « Non, sans doute, mais cette séparation ne m'en cause pas moins un chagrin cruel. J'espère toutefois que vous viendrez avec nous jusqu'à Paris. C'est pour moi une compensation bien légère au regret de votre absence. Allons, Morton, du courage et à demain. » L'horloge de l'église sonnait 11 heures lorsqu'ils se séparèrent. Le départ était fixé au lendemain midi. Sir Everard devait emmener son valet de chambre, Stanton, qui parlait 5 ou 6 langues, et dont l'humeur aventureuse s'arrangeait mieux de l'imprévu des voyages que de la vie monotone de Fairview. La femme de chambre de Dulcy, Emma Penn, ne partageait pas le ravissement de son compagnon, et le seul nom de l'Afrique lui inspirait un suprême effroi. À l'entendre, on pouvait croire que les lions devaient être aussi nombreux dans les rues d'Alger que les chiens et les chats. Dès qu'elle eut bouclé les malles de sa maîtresse et les siennes, Elle alla dire adieu en toute hâte à ses parents. Dulcie resta seule dans ses appartements, qui déjà avaient l'aspect triste d'une maison abandonnée. Sa chambre était celle qu'avait occupée sa mère. De cette grande et vaste pièce, on dominait la pelouse, le lac et la campagne. Une immense fenêtre recevait en plein les rayons du soleil. C'était à cette place que se tenait Dulcie. Tout y trahissait sa présence habituelle. Chevalet, table à ouvrage et petit bureau. Dans cette même chambre, elle était née et sa mère était morte. Il fallait que Dulcie fût malade pour que ce rêve rare consentît à en franchir le seuil. Installé à l'autre extrémité du château depuis son veuvage, il semblait vouloir éviter jusqu'à la vue de la pièce où sa femme s'était endormie du dernier sommeil. Dulcie avait un véritable culte pour tous les souvenirs laissés par sa mère. Elle tint, ce jour-là, à jeter encore un regard sur le tiroir où elle avait pieusement serré ses précieux trésors. Vêtue de son costume de voyage, elle s'était agenouillée près du bureau et contemplait d'un œil humide un éventail en ivoire finement travaillé. Un long gant blanc brodé d'or, une rose desséchée, des morceaux de vieille dentelle jaunie par le temps, des lettres d'une écriture fine et serrée, un bouquet de violettes. Puis, tout à coup, son attention se fixa sur un bout de ruban fané, ayant le souvenir de n'avoir vu un pareil entre les mains de Dora Blake, un jour que Dulcie l'avait surpris serrant un rouleau de vieilles lettres. Il est certain, se dit-elle à elle-même, que c'était ou Miss Blake qui tenait ce ruban de ma mère ou ma mère qui le lui avait donné. Elle se rappela l'air embarrassé de tante Dora en tournant ce ruban entre ses doigts. Un objet aussi frivole pouvait-il donc évoquer un triste souvenir, un chagrin passé? À quoi bon y penser? Dulcie n'emporta pas moins la pauvre petite relique à ses lèvres avant de la remettre dans le tiroir qu'elle referma en poussant un soupir. Elle se dirigea ensuite vers la salle à manger pour déjeuner avec son père. Puis Morton arriva, en costume de voyage, sa valise en main, à l'heure fixée pour le départ. Les trois voyageurs prirent place dans le landau. Stanton et Emma Penn les avaient précédés à la gare, dans un omnibus destiné au transport des serviteurs et des bagages. Dulcie et Morton auraient voulu prolonger indéfiniment ce voyage, rempli pour eux de charme et de tristesse. Sir Everard, blotti dans un coin, restait silencieux, quand il n'adressait pas à Morton quelques questions relatives à la politique ou aux élections. On passa deux jours à Paris, visitant tour à tour les musées, que Dulcie était heureuse de revoir avec son fiancé, le bois de Boulogne, plein de clarté et de profondeur. Flânant sur les boulevards, achetant des friandises chez Boissier, dînant chez Bignon, passant une délicieuse soirée au Théâtre Français, où le séduisant Delaunay et l'élégante Favart jouaient une pièce d'Alfred de Musset. Puis le moment des adieux arriva. Il fallut se séparer. Morton accompagnait Sir Everard et sa fille jusqu'à la gare et les fit monter dans le train qui devait les conduire à Marseille. J'irai vous rejoindre dès que les élections seront terminées, si vous n'êtes pas de retour auparavant, dit Morton au voyageur. L'ouverture du Parlement suivra les élections, répondit Sir Everard. Il est dans l'ordre que vous y assistiez. Morton resta à la porte du wagon, tenant dans sa main celle de Dulcie, jusqu'au moment où l'employé inexorable vint fermer le compartiment. Puis un coup de sifflet aigu, une dernière pression de main, et Dulcie était partie. Morton suivit tristement le boulevard qui longe la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. « Ah, que Paris me plaît peu, quand j'y suis seul. Je quitterai la grande ville dès 7 heures demain matin. » Tout en marchant, il se répétait ces paroles. « Juste ciel, comme elle l'aime !» Puis il se demandait s'il aurait jamais pour Sir Everard respect et affection. Il lui semblait étrange que ce dernier eût éludé d'un ton si péremptoire les questions qu'il lui avait adressées relativement à ses relations avec son père. « Pourquoi, se disait-il, ai-je cru voir percer sous la pâleur singulière de son visage un sentiment d'effroi ? Oh, à cette pensée, j'ai peur que ma volonté ne m'échappe. Un soupçon infernal s'empare de mon esprit, et je crains que le temps ne fasse que développer le germe de haine que je porte en moi. »